Adyashanti, le noyau radieux. L'hiver est une période de l'année fort intéressante. Plusieurs de nos jours sacrés se situent en hiver. C'est la saison des vacances spirituelles comme le Ramadan, Hanouka et Noël. Le jour de l'éveil du Bouddha se célèbre en cette période de l'année. L'hiver est un portail sacré, une occasion. Les feuilles tombent des arbres, les fruits tombent au sol, les branches se dénudent et tout retourne à son état le plus essentiel. Un dépouillement naturel se produit non seulement dans le monde extérieur, mais également dans l'univers intérieur. L'hiver, c'est aussi l'époque des pluies torrentielles et de la neige. Chaque année, les montagnes Sierra diminuent un peu par rapport à l'année précédente. Une partie est emportée par les ruisseaux lorsque l'eau s'écoule et retourne à sa source, les lacs et les océans. Malgré ces tempêtes, l'hiver est l'époque la plus tranquille dans l'année. Il n'y a rien de tel que le calme après la tempête. Si vous avez déjà eu le privilège de vous trouver dans les montagnes immédiatement après une chute de neige, quand aucun vent ne souffle, que rien ne bouge, que la neige étouffe tous les sons et qu'un silence pénétrant recouvre tout, vous connaissez la puissance de ce silence. Concrètement, l'introspection est une forme d'hibernation spirituelle. Il ne s'agit pas de chercher la réponse juste, mais plutôt de se dénuder et de voir ce qui est superflu, ce dont on peut se passer, ce que vous êtes sans vos feuilles. Chez les êtres humains, on ne les nomme pas feuilles, mais plutôt idées, concepts, attachements et conditionnements. Tout cela forme votre identité. Ne serait-il pas terrible que les arbres s'identifient à leur feuillage? Ce sont des choses fort ténues auxquelles s'attacher. L'introspection est un moyen de tout dénuder jusqu'à la racine, jusqu'à son noyau. Si nous consentons à nous mettre à nu et à pénétrer vraiment l'hiver intérieur, à voir chuter les feuilles et les pensées du mental, alors nous nous retirerons peut-être, comme l'exprime le Zen, dans ce que nous étions avant la naissance de nos parents. Il s'agit là d'une retraite vers la racine la plus essentielle de l'être. À mon sens, il n'y a rien à quoi nous, en tant qu'êtres humains, ne résistions davantage qu'à un hiver spirituel. Si les humains ne s'opposaient pas à ce dépouillement de leur identité et s'ils consentaient à vivre l'hiver, nous serions tous éveillés. En laissant simplement l'hiver poindre en nous, une mise à nu naturelle survient, semblable à un dépouillement. Dans la quiétude et le silence, elle se produit spontanément. Si vous ne tentez pas de contrôler quoi que ce soit, vous sentez que certains schémas de pensée et certaines qualités énergétiques se détachent, comme les feuilles ou la neige qui tombent. C'est une chute toute délicate. Voilà ce à quoi sert l'introspection spirituelle. S'interroger en se demandant « qui suis-je ?», c'est être présent dans l'espace du non-savoir et de remise en cause de vos croyances et de vos hypothèses. La réalisation de la vérité éternelle vient au détriment de vos illusions. Il va sans dire, nous les humains sommes doués de capacités que les arbres ne possèdent pas. Si les arbres étaient comme nous, ils tendraient leurs branches et ratisseraient leurs feuilles pour les garder, au cas où. Il serait déplorable de voir les arbres se cramponner à leur feuillage comme s'ils traversaient une crise existentielle. c'est pourtant notre tendance. Ramasser les feuilles de nos croyances et nos théories favorites pour nous y cramponner fermement. Cette mise à nu est parfois semblable à une tempête déchaînée qui arrache les feuilles de l'arbre. Vous êtes doué d'une identité sacrée. Puis un vent se lève, généralement un autre être humain, et cette identité s'envole. Vous pensez « Je suis tellement réalisé. Je n'en peux plus. C'est éblouissant. » Un vent souffle alors et déracine cette pensée. Un ami ou un collègue de travail déclare « Ça ne me semble pas tellement éclairé. » Et vous constatez que ce n'était qu'une autre identité superflue. Si vous n'essayez pas de vous y cramponner, c'est alors une identité sacrée. Lorsqu'elle tombe, vous voyez que vous n'avez nul besoin de cette identité. C'est une illusion, encore un poids mort à jeter par-dessus bord. Revenir au noyau, à la racine de votre être, et percer à jour tout ce que vous croyez être permet à vos identités, même les plus intouchables, de disparaître. Il est merveilleux de découvrir ce dont nous pouvons nous passer. Ultimement, le don le plus magnifique de cet hiver intérieur est ineffable. On ne peut que le vivre. En vérité, l'hiver vous supplie de lâcher prise, tout simplement, et puis de délaisser le lâcher prise. Laissez survenir ce retour naturel et spontané à la racine de votre existence propre. Le retour à l'indéfinissable. Un homme décrivit son éveil dans un sublime poème évoquant un arbre solitaire en hiver, sans branches et perché au bord d'un précipice. Une fissure s'ouvre et lézarde l'écorce, qui se détache. Imaginez fendre un arbre ou un rondin pour voir ce que le noyau contient. Il faut le fendre pour en apercevoir l'intérieur. Qui découvririez-vous? Le vide complètement radieux de l'hiver. Imaginez un rayonnement émanant de nulle part. Un rayonnement qui rayonne tout simplement, émanant de nulle part, d'absolument nulle part. Lorsque vous atteignez le noyau, qui apparaît après avoir consenti à vous dépouiller de tout, vous êtes naturellement fissuré. Dans ce noyau réside un cœur spirituel. Vous découvrez non seulement cet espace de conscience pure de l'esprit rayonnant, mais également la brillance et la chaleur du cœur spirituel. Si vous reposez en silence absolu, vous pouvez sentir l'esprit vide et rayonnant. Ce n'est pas un concept. Vous êtes la non-existence de votre identité, de toutes les identités. Vous éprouvez aussi la plénitude rayonnante du cœur et réalisez que ce vide, cette vacuité n'est pas terne, au contraire, elle a du cœur. Et lorsque cet espace s'éveille, vous savez que c'est également le cœur compatissant. La chaleur de votre cœur spirituel prend vie. L'hiver paraît parfois glacé, solitaire, et il isole. Vous êtes en silence, au repos et serein, et vous vous demandez toutefois « Où est l'inspiration ? Où est la vie ?» Vous êtes très calme, très serein, voire assez vide, pour ainsi dire, et votre écorce est toujours intacte, sans une seule fissure. Vous êtes dans une espèce de vacuité, dans cet espace ultime où se trouve la conscience pure. Lorsque l'écorce se lézarde, lorsque vous atteignez le noyau, vous percevez la fausseté des idées à votre sujet et au sujet d'autrui. Elles ne sont que pure invention. Vous les voyez comme des choses que l'on vous a inculquées et que vous avez assimilé, que vous avez revêtu comme des vêtements qui affirment « Voilà ce que je suis ». Lorsque le cœur va au-delà de l'émotion, sans toutefois être indifférent, ni mort, le soleil brille au milieu de l'hiver. Vous avez déjà fait une balade un matin glacé où l'air est gelé même si le soleil brille, et vous songez « Comment peut-il faire si froid par une belle journée ensoleillée ?» Au soleil qui brille intérieurement, il y a toujours chaleur. La conscience véritable rayonne de vie. Quelques-uns me demandent « Si je réalise que moi, en tant qu'entité distincte, je n'existe pas tel que je l'avais conçu, alors qui donc va vivre cette vie ?» Une fois que vous touchez ce cœur rayonnant de vacuité, vous savez ce qui vit cette vie, ce qu'il a toujours vécu et ce qu'il la vivra à partir de maintenant. Vous réalisez que vous ne vivez pas cette vie. Ce cœur rayonnant vit cette vie, ainsi que cet esprit rayonnant est vide. Quand vous renoncez à être celui que vous aviez cru être et que vous consentez à être qui vous êtes vraiment, alors ce cœur radieux vit votre vie. La non-existence devient votre réalité, et la conscience non-duelle sera ce que vous êtes. On peut envisager et expliquer la nature essentielle en chaque être. Le concept d'illumination ne réfère qu'à cette nature, en disant que lorsqu'elle naît dans la pleine conscience, votre esprit se déploie au maximum. Cela ne signifie pas que vos pensées s'étendent au cosmos, mais bien que votre esprit est tellement ouvert qu'il n'a plus de contours. Vous remarquez que dès que vous vous attachez à une pensée et que vous y accordez foi, le mental se referme sur cette pensée. L'esprit naturel est un esprit ouvert, et le cœur naturel est ouvert, quoi qu'il advienne. C'est le choc de notre condition naturelle. L'esprit et le cœur sont naturellement ouverts et ne savent pas comment se fermer, en aucune circonstance. Et, simultanément, vous êtes au-delà même du cœur et de l'esprit ouvert. Ce que vous êtes englobe tout. Le mental conditionné joue continuellement le rôle de Dieu. Il se demande ce que font les gens et pourquoi. Cela ne vous regarde pourtant en rien. Vous pouvez simplement commencer à évoluer dans la vie avec cette ouverture naturelle à ce qui est et être ainsi en toutes circonstances, en tout temps. C'est ainsi qu'agit le véritable soi depuis toujours. Réaliser votre nature essentielle, ce n'est pas avoir une expérience extraordinaire qui vous fait dire « D'accord, je suis prêt ». L'expérience la plus profonde est de réaliser que cet esprit ouvert, rayonnant, vide, et ce cœur ouvert l'ont en fait toujours été. Il n'est pas nécessaire de les ouvrir. Ils ne vont pas s'ouvrir. L'ouverture est présente depuis toujours. Vous ne percevez plus la dualité. Vous percevez l'un en tout et en tant que tout. Les gens se sentent vulnérables. Ils érigent des défenses. Pourtant, ériger des défenses, c'est comme avancer dans la nuit étoilée et tenter d'en mitoufler la voûte céleste infinie dans un minuscule manteau. La vastitude s'échappe par les bras et le col. Vous portez ce petit manteau ridicule dans le vaste espace et vous vous protégez avec celui-ci en croyant que, peut-être un jour, vous détacherez les boutons et serez libéré spirituellement. Probablement pas. Il est plus probable qu'un de ces jours, vous cesserez de vous identifier à ce ridicule petit manteau. affranchissez-vous des identités contraignantes et accueillez l'infini. Ce qui permet à cette ouverture de se produire en profondeur, c'est de réaliser que nous sommes déjà l'ouverture à laquelle nous nous ouvrons. Si nous continuons à nous identifier à l'aspect humain de nous-mêmes, nous pensons « Oh là là, je m'ouvre à quelque chose de trop grand pour moi. » Quand nous lâchons vraiment prise et nous immergeons dans ce silence ouvert, il est impossible d'en découvrir la fin. Il est ici de toute éternité, avant même le commencement. Et, en cela, notre nature humaine parvient à s'ouvrir. C'est ainsi parce que nous ne nous ouvrons pas à un mystère qui est étranger, extérieur ou autre, mais à ce que nous avons toujours été. Si vous touchez la qualité sacrée de l'hiver en vous, cette qualité où tout revient à sa forme la plus essentielle, vous dégringolez alors du bout du mental, vers l'ouverture. Cette ouverture, vous en ferez l'expérience, non pas en y résistant, mais plutôt en suivant le cours de l'hiver qui est en vous. Il peut être formidablement révélateur de simplement revenir. Revenir. Revenir. Il faut du courage. Vous vous demanderez sûrement, qui serai-je alors? Est-ce que tout ira bien? Contentez-vous toutefois de revenir à l'essentiel. Si vous trouvez le courage de revenir à l'essentiel, vous retournez à la racine même de votre être. Voilà la plénitude qu'offre l'hiver. Un peu comme de revenir jusqu'à la semence, et que seulement en cet endroit, vous vous aperceviez que la semence contenait la vérité tout entière. Le noyau de votre être en soi, qui paraissait très vide quand vous l'avez ouvert, est rempli du potentiel de tout ce qui est. Tout comme la graine de l'arbre contient tout ce que l'arbre ne sera jamais. Un printemps complet ne devient possible qu'avec un retour complet. Je ne parle pas d'idéaux, d'objectifs ou de potentiel. Cette ouverture est en vérité le noyau de l'identité de chaque être. Cessez d'attendre le lâcher-prise sur tout, et alors, votre nature essentielle sera réalisée. Une fois réalisée, vivez-la. Lorsque vous la vivez, la vie s'écoule spontanément. Puis enfin, pour une fois dans notre vie, nous pourrons dire avec honnêteté et en toute intégrité que c'est le mystère le plus inouï. Il est insondable, impossible à connaître. On peut seulement être ce mystère, consciemment ou inconsciemment. L'être consciemment est toutefois beaucoup plus facile que l'être inconsciemment. Réalisez-vous et soyez libres.